بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Toujours dans le commentaire explication du livre Al-Wajiz fi fiqh sunnati wa al-kitab al-aziz. La semaine dernière on avait entamé le livre du jugement Kitab al-Qada. Al-Qada qui a deux significations, la première linguistique et la seconde juridique. Quant à la signification linguistique, c'est-à-dire dans la signification dans la langue arabe, Al-Qada signifie le fait de venir. De finir une chose, de la terminer. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ. Allah Azza wa Jal a terminé la création des sept cieux. Donc le terme qada dans la langue arabe signifie le fait de terminer une chose. Et quant à sa signification linguistique, c'est le fait de montrer un jugement et de l'imposer. De montrer, c'est-à-dire d'expliquer le jugement d'une chose, si elle est autorisée, si elle est obligatoire, si elle est interdite, et d'imposer aux gens de mettre en pratique cet avis. Et c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière, et c'est ce qui fait la différence entre un mufti et un qadri, entre un juge et un mufti. Le mufti se contente de donner la réponse. Quant au juge, il donne la réponse et il ordonne à ce que celle-ci soit appliquée. On avait vu que le jugement al-qada était légiféré en islam, dans le livre d'Allah, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à l'unanimité des savants. Et on l'avait cité à ce sujet, le verset où Allah a dit « وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ » et « juge entre eux par ce qu'Allah a fait descendre ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدْ » lorsque le juge, donne son jugement. Donc cela prouve que c'est légiféré. Et les musulmans sont unanimes sur le fait que le jugement est quelque chose de légiféré dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est le jugement du jugement en islam? C'est préférable? C'est obligatoire? C'est interdit? Non? C'est un fardou qui fait, c'est-à-dire que c'est-à-dire que si une partie des musulmans le mettent en application, alors l'obligation est levée pour le reste des musulmans. Donc c'est une obligation qui incombe à une partie de la communauté musulmane, car si cela avait été une obligation personnelle, c'est-à-dire qui englobe l'ensemble des musulmans, eh bien de cet avis, qu'est-ce qui en découlerait? Que chacun d'entre nous doit être juge, et ceci est impossible et inconcevable. Il est inconcevable que tous les musulmans soient juges. Donc, le jugement est restreint à une seule partie des musulmans. Le mérite du jugement, on avait vu le hadith où le prophète sallam avait autorisé le fait d'avoir al-ribta, c'est-à-dire de souhaiter le bien fait qu'à un de tes frères sans pour autant vouloir que ce bienfait lui soit retiré ou lui soit ôté. Et parmi ces deux personnes qui méritent le plus que tu espères le bien qu'ils ont, c'est un homme à qui Allah Azzawajal a accordé la sagesse avec laquelle il juge, avec laquelle il juge, et cette même sagesse qu'il enseigne. Et on avait vu que le jugement avait à la fois les mérites, mais qu'en même temps c'était un danger, que c'était un danger. Et le professeur Asselam a dit, celui qui a été désigné comme juge, faqad dhubiha bi ghayri sikkin, il a été égorgé sans couteau. Qu'est-ce qu'on avait donné comme explication sur cette parole du professeur Asselam? Il a été égorgé sans couteau. Naam? Naam, que c'est quelque chose de très contraignant, car le juge doit fournir beaucoup d'efforts et il doit faire face à des situations qui souvent sont très difficiles. Et également, un autre hadith qui montre le danger d'être juge, c'est le hadith où le professeur Hassan a dit « Trois juges, deux sont en enfer et un est au paradis. » Quant aux deux qui sont en enfer, c'est un homme qui a jugé sans science, et l'autre qui a jugé en étant... En connaissant la vérité, mais en étant injuste dans son jugement. Et le seul qui ira au paradis, c'est celui qui connaît la vérité et qui la met en pratique et qui juge avec cette vérité. Et comment rassembler entre les hadiths qui montrent les mérites d'être juge et les hadiths qui montrent le danger d'être juge? Est-ce que c'est une contradiction ou pas? Oui ou non? Non, il ne peut pas y avoir de contradiction dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a jamais de contradiction. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, c'est parce que ton cerveau n'a pas la capacité de le comprendre. Mais en aucun cas, il n'y a de contradiction dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah azawajal a même dit « Walaw kana min indi ghayrillah la wajadu fihi ikhtilafan kathira. » Et si le Coran provenait d'autre qu'Allah, ils y auraient trouvé de nombreuses contradictions. Mais le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle ne comprend donc aucune contradiction, de même pour les paroles du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et les savants ont dit, pour rassembler ces deux hadiths, que la base, c'est que la personne doit s'éloigner du poste de juge, sauf s'il n'y a pas de personne plus apte que lui. Si il n'y a personne plus apte que toi dans la science, dans la piété, dans la droiture, alors c'est en fonction des cas, c'est soit recommandé, voire même obligatoire pour toi d'accepter le poste de juge, car comme l'on l'a vu précédemment, le poste de juge est une obligation qui incombe à une partie des musulmans. On avait vu également l'interdiction de demander le poste de juge. On avait cité à ce sujet le hadith de Abdurrahman ibn Samura, où le professeur Hassan lui dit « Ne demande pas le pouvoir. Ne demande pas le pouvoir. » Il y a aussi un autre hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Inna la nuwalli ahadan sa'ala hada al-amr aw harasa alayhi. » Nous ne donnons pas le pouvoir à quiconque le demande ou à quiconque cherche à se l'approprier. On avait vu également que en islam, il ne pouvait pas y avoir de femmes juges, car le prophète sallam a dit « La yuflihu qawmun wallaw amrahum imra'ah » ne connaîtra jamais la victoire ou la réussite un peuple qui met à leur tête des femmes. On avait aussi parlé du chapitre des comportements du juge, à savoir que le juge devait être juste entre les différentes parties, entre les plaignants, entre les accusateurs et les accusés, et qu'il devait être juste dans sa façon de parler aux uns comme aux autres, d'être juste dans la façon de les regarder, etc. etc. Puis on avait terminé sur l'interdiction au juge de prendre des pots de vin, de prendre des pots de vin ou des cadeaux. Ou des cadeaux, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Hadaï al-ummali ghuloul » que les cadeaux des travailleurs de l'État sont considérés comme ceux qui ont volé le butin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La'alallahu la'natullahi ala rashi wal murtashi » que la malédiction d'Allah soit sur celui qui donne le pot de vin et sur celui qui le prend. Et on avait expliqué la définition de Rishwa. Quelle est la définition du pot de vin en islam? Hein? C'est la nature. C'est-à-dire un bénéfice en nature. Non. C'est pas tout à fait ça la définition. Permet de contrecarrer, on va dire, les lois pour avoir quelque chose. Quelle est la définition générale qu'on avait donnée la semaine dernière? C'est quand on donne quelque chose pour qu'un bâton devienne haq et qu'un haq devienne bâton. Non, ahsant. Wa ma dufi'a li ihqaqi batilin ou ibtali haqqin. C'est ce qui est donné pour abolir un droit ou pour justifier un mal. Pour abolir un droit ou pour justifier un mal. Ce que tu donnes et ce que tu prends pour justifier un mal et pour abolir un droit, c'est-à-dire le droit qu'a une autre personne, alors ceci est considéré en islam comme un pot de vin, et à la fois celui qui le donne et celui qui le prend sont maudits par Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait dit qu'il y avait un cas dans lequel c'était uniquement celui qui prenait le pot de vin qui était maudit et non celui qui le donne. Dans quel cas? Quand il n'y a pas d'interdit, quand c'est ton droit et que tu n'abolis pas un droit et que tu ne fais pas un mal, mais que la personne qui a la possibilité de te faciliter ou qui a le pouvoir de te donner ce que tu veux, qui est toujours dans l'enceinte du licite, il te demande quelque chose en échange. Dans ce cas, tu as le droit de lui donner, car ce que tu désires avoir et obtenir n'est ni un mal et n'abolit pas un bien, alors tu as le droit de lui donner et le mal reviendra à celui qui a pris, non à celui qui a donné. ثم قال المؤلف ويحرم عليه الحكم وهو غضبان عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكر قال كتب أبو بكرة إلى ابنه وكان بسجستان بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. Le chapitre de l'interdiction au juge de juger en état d'énervement. Selon Abd al-Malik ibn Umayr, il dit: j'ai entendu Abd al-Rahman ibn Abi Bakrah dire: Abu Bakrah a écrit à son fils qui était à Sijistan, qui est un endroit au niveau de l'Inde. Et Abu Bakrah a écrit à son fils qui était juge là-bas. Il était juge à Sijistan. Quel, yani parmi les savants, lequel était connu pour être issu de Sijistan? Min ulama al-hadith. Bal min ashab al-sunan. Non, Abu Daoud al-Sijistani. Abu Daoud, l'imam Abu Daoud, sa nisba, c'est-à-dire l'endroit dont il est originaire, est Sijistan. Pour cela qu'il est appelé Abu Daoud al-Sijistani. Rahimahullah. Donc Abu Bakr a écrit à son fils, qui était juge à Sijistan, de ne pas juger entre deux personnes, ne juge pas entre deux personnes lorsque tu es énervé ou en état d'énervement, car j'ai entendu l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire que l'un d'entre vous ou qu'un juge ne juge pas entre deux personnes alors qu'il est énervé. Pourquoi ? Car un juge qui est en état d'énervement peut être amené à vouloir en finir au plus vite sur ce cas qui lui a été exposé, et bien souvent l'état d'énervement recouvre, et si c'est un état d'énervement aggravé et poussé, il peut même recouvrir la raison. C'est pour cela que le professeur Hassan m'a dit que le divorce de celui qui est énervé n'est pas considéré comme valide, car il ne sait plus ce qu'il dit. قضاء الحاكم لا يغير من الحق شيئا. Le jugement du juge ne change en rien la vérité. Le jugement du juge ne change en rien la vérité. Que signifie ce titre que l'auteur a donné ? Il dit « من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه فَإِنَّ قَضَاءَ الْحَاكِمِ لَا يُحِلُّ حَرَامًا وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالًا. » Donc celui à qui le jugement a été en faveur sur le bien de son frère alors qu'il ne le prenne pas. Autrement dit, si le juge, après avoir écouté les uns et les autres, et après avoir rassemblé tout ce qui lui était possible comme preuve, son jugement a été que le bien doit revenir à un tel. Or, en réalité, ce bien ne doit pas revenir à un tel. Et il le sait pertinemment. Qu'il va, ou que le juge a jugé en sa faveur, alors que normalement, cela n'aurait dû pas avoir lieu. Il ne doit pas le prendre, même si le juge lui autorise. Car l'auteur dit « فَإِنَّ قَضَاءَ الْحَاكِمْ لَا يُحِلُّ حَرَامًا وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالًا » Car le jugement du juge n'autorise pas un interdit ni ne peut interdire quelque chose d'autorisé. Et il ramène à ce sujet un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur Sahih. « عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا. حَدِثٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ رَوَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. Donc selon Umm Salama, l'épouse de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu une dispute devant la porte de sa maison. Il est alors sorti et a dit: je ne suis qu'un être humain, et des disputes peuvent m'être exposées, et certains d'entre vous peuvent être plus éloquents que d'autres. Je juge alors qu'il est véridique et je prononce un jugement en sa faveur. Celui à qui j'ai jugé en sa faveur le bien de son frère musulman, alors c'est un morceau de feu que je lui présente, qu'il le prenne ou bien qu'il le délaisse. Hadith authentique apporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innama ana bashar » « Je ne suis qu'un être humain ». Et il y a dans cela la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas l'invisible. « قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي الْأَرْضِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ » الغيب إلا الله. Dit: ne connaît dans les cieux et la terre l'invisible que Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne suis qu'un être humain, et des disputes me sont exposées. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le juge à son époque, Et lorsqu'il y avait des divergences, lorsqu'il y avait des litiges, eh bien, on les soumettait au prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et certains parmi vous sont plus éloquents, ont plus de facilité à montrer les choses que d'autres. Et dans ce hadith, on en déduit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam écoutait les deux parties. Et qu'il se peut qu'une des deux parties, malgré qu'elle soit en tort, ait plus de facilité à exposer les faits, à expliquer les choses, qui pourraient faire croire que celle-ci est véridique. Comme l'a dit le professeur Asselem, et je pense alors qu'il est véridique, et je prononce alors un jugement en sa faveur. Donc si c'est une personne qui prétend que cette chose lui appartient, et l'autre qui dit non, elle ne lui appartient pas, celui qui prétend qu'elle lui appartient sait pertinemment que cette chose n'est pas la sienne, mais il a une facilité de parler, il a une certaine éloquence qui, lorsque l'on l'entend parler, on est presque persuadé que cette chose lui appartient. Alors que ce n'est pas le cas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمِينَ » Et celui à qui j'ai prononcé un jugement en faveur du bien d'un musulman, c'est-à-dire en faveur d'un bien qui n'est pas le sien, mais celui d'un autre musulman, alors cela est comparable, ou cela est un morceau de feu que je lui présente, qu'il le prenne ou bien qu'il le délaisse. Qu'il le prenne ou bien qu'il le délaisse. Bon, dans ce hadith, on en déduit que même le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'autorise pas quelque chose d'interdit, car le bien du musulman est un bien qui lui appartient et n'appartient pas à autrui, sauf si il accepte de bon cœur. « La yahillu mal umri'in muslimin illa bi tayyibin min nafsi » qu'un bien d'un musulman n'est licite que par son consentement, c'est-à-dire lorsqu'il donne quelque chose en voulant le donner et en étant d'accord dans cela. Donc c'est un morceau de feu qui lui est présenté, qu'il le prenne. C'est-à-dire s'il le prend, il sait pertinemment que ce n'est pas le sien, il a alors pris un morceau de feu et cela est une menace pour lui de l'entrer en enfer ou bien qu'il la délaisse, et c'est ce qu'il y a de mieux à faire, et c'est même ce qu'il doit faire obligatoirement, de remettre à chacun son dû. Ce m'a dit le mu'allif, al-da'awa wal-bayinat. Comme salam. Al-da'awa jam'u da'wa. وهي في اللغة الطلب قال الله تعالى ولكم فيها ما تدعون أي تطلبون وفي الشرع إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته والمدعي هو الذي يطالب بالحق وإذا سكت عن المطالبة ترك والمدعى عليه هو المطالب بالحق وإذا سكت لم يترك والبينات جمع بينة وهي العلامة كالشاهد ونحوه. الدعاوى والبينات. الدعاوى ce sont les prétentions, ce que les gens prétendent. Et البينات ce sont les preuves. الدعاوى, les prétentions ou bien les accusations, c'est le pluriel de دعوى. Et en langue arabe, الدعوى signifie الطلب, c'est-à-dire la demande. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, « وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ » et « vous y aurez ce que vous demandez. »« مَا تَدَّعُونَ » أي « مَا تَطْلُبُونَ » Et ceci, Allah Azza wa Jal l'a dit dans quel contexte ? Au paradis. C'est-à-dire, « vous y aurez, c'est-à-dire au paradis, ce que vous demanderez. » Donc les gens du paradis auront absolument tout ce qu'ils désirent et tout ce qu'ils demanderont. Et quant à la définition de da'wa, de la prétention ou de l'accusation en islam, c'est le fait qu'une personne prétende que quelque chose qui lui appartient est entre les mains d'autrui ou sous son contrôle. Et concernant Ad-Da'awa, il y a deux types de personnes. Il y a Al-Mudda'i et Al-Mudda'a alayhi. Al-Mudda'i, c'est celui qui accuse et celui qui demande le bien. Donc c'est celui qui demande le bien, celui qui dit un tel a quelque chose qui m'appartient, j'existe, qui me le rend. Celui-ci, en islam, est appelé Al-Mudda'i. وَإِذَا سَكَتَ عَنِ الْمُطَالَبَةِ تُرِكَ. Et s'il se tait, c'est-à-dire s'il désire ne plus demander, alors on ne doit pas prendre en compte sa demande. Et cela est logique. Tu peux savoir, ou quelqu'un peut avoir un bien qui t'appartient en sa possession, mais tu n'as pas l'intention de le réclamer. Et tu préfères laisser cela jusqu'au jour du jugement. Lorsque tu te tais, et que tu ne demandes pas ce qui est ton droit, le juge ne doit pas engager de poursuite. وَالْمُدْعَى عَلَيْهِ, celui qui est accusé, ou celui à qui on demande le bien, est appelé en islam al-mud'a alayhi, c'est-à-dire celui à qui on demande le bien, et lorsqu'il se tait, il ne doit pas être délaissé. Et cela est logique. Lorsqu'on accuse quelqu'un d'avoir en sa possession quelque chose qui ne lui appartient pas, si on lui demande « Est-ce que tu as cette chose ?» et qu'il se tait, est-ce qu'on le laisse ? Oui ou non ? Non, ce serait trop facile. On ne le laisse pas, le juge doit utiliser tous les moyens pour qu'il avoue et pour que la vérité apparaisse au grand jour. Et Al-Bayinat, qui est le pluriel de Bayinat, qui est un signe ou une preuve comme le témoin ou autre moyen de preuve en islam. ثم قال المؤلف والأصل في هذا حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ولكن اليمين على المدعى عليه حديث متفق عليه وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه حديث صحيح رواه الترمذي. Et la base dans les accusations et les preuves et le hadith d'Abdullah ibn Abbas qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si l'on donnait aux gens selon ce qu'ils prétendent, les gens auraient prétendu le sang d'hommes ainsi que leurs biens, mais le serment doit être prononcé par celui qui est accusé. » Comme cela, donc dans ce hadith d'Abdullah ibn Abbas rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallam a dit la yu'ta an-nas bidawahum, si l'on donnait aux gens sur le simple fait qu'ils prétendent, c'est-à-dire les gens, si on donnait aux gens tout ce qu'ils demandaient, en disant un tel a pris mon bien, un tel a tué un tel a fait ci, un tel a fait ça, si on prenait en compte les paroles des gens sur leur simple accusation, le prophète sallam a dit idda'anasun dima'a rijalin. Si l'on faisait cela, des personnes auraient prétendu le sang d'homme. Ça veut dire quoi, aurait prétendu le sang d'homme? Ça veut dire que des gens auraient prétendu qu'un tel a tué un tel pour que la loi du talion soit appliquée sur lui. Autrement dit, il suffit qu'il déteste une personne et qu'il souhaiterait que celle-ci meure, il va alors l'accuser d'avoir tué telle et telle personne pour que la loi du talion soit appliqué. اِدَّعَ النَّاسَ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ. Également, les gens auraient prétendu que les biens des autres seraient les leurs, en disant un tel m'a pris 10 000 euros. Si on donnait aux gens ce qu'ils prétendaient sur leur simple prétention, cela sèmerait la discorde sur terre et le chaos sur terre. C'est pour cela que le prophète a dit « Walakin al-yamina ala al-mudda'a alay » Mais le serment doit être prononcé par celui qui est accusé. Cela veut dire quoi? Que le serment doit être prononcé par celui qui est accusé. Si une personne prétend qu'une autre lui a pris 10 000 euros, par exemple, qu'est-ce que le juge doit faire? La première chose. Demander les preuves à qui? Est-ce qu'il doit dire à celui qui est accusé d'avoir pris les 10 000 euros, apporte les preuves que tu n'as pas 10 000 euros? Non. Il doit demander les preuves à celui qui accuse. Si l'accusateur dit « Je n'ai pas de preuves, c'est ma parole contre la sienne », alors le juge doit dire à celui qui est accusé « Jure par Allah que tu n'as pas pris les 10 000 euros ou que tu n'as pas les 10 000 euros de cette personne ». Et là, il doit jurer. Et s'il jure, alors le conflit est arrêté et l'affaire est classée. D'accord? Et si la personne, par la suite, apporte la preuve, est-ce que le juge a le droit de revenir sur son jugement ou il doit se baser sur le premier? Il a le droit de revenir sur le jugement. Et le second hadith, c'est le hadith de Amr ibn Shu'aib, radiyallahu anhu, qui dit que, selon son père, selon son grand-père, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-bayyinatu ala al-mudda'i » La preuve doit être apportée par l'accusateur, ou le prétendant, celui qui prétend que le bien lui appartient. Ou celui qui prétend une chose, il doit apporter la preuve « Wal-yaminu ala al-mudda'a alayhi » Et le serment, c'est-à-dire le fait de jurer, concerne celui qui est accusé. Et dans une autre version du hadith, wal yaminu ala man ankar. Et le serment à celui qui renie, c'est-à-dire à celui qui renie l'accusation qui lui est faite. Ithmu man idda'a ma laysa minhu. Le péché de celui qui prétend ce qui ne lui appartient pas. An Abi Dharr annahu sami'a Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul: Man idda'a ma laysa minhu ma laysa lahu fa laysa minna wal yatabawwa maq'adahu min an-nar. Hadith sahih rawahu Muslim wa Ibn Majah. Selon Abi Dharr radiyallahu anhu, il dit qu'il a entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: celui qui prétend ce qui n'est pas à lui ne fait pas partie des nôtres et qu'il se réserve sa place en enfer. Celui qui prétend quelque chose qui n'est pas la sienne, il ne fait pas partie de nous et qu'il se réserve sa place en enfer. Ce hadith n'a besoin d'aucun commentaire. إثم من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالا ليقتطع بها مالا. Celui qui jure en prononçant un serment mensonger afin de s'approprier de l'argent. عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وعن أبي أمامة الحارثي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار فقال رجل من القوم يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان سواكا من أراك حديث صحيح رواه ابن ماجه ومسلم والنسائي. Selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jure en mentant dans son serment afin de s'approprier l'argent d'une personne musulmane, il rencontrera Allah courroucé contre lui. Il rencontrera Allah énervé contre lui. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans ce hadith, le prophète sallam a dit que celui qui jure en mentant afin de s'approprier le bien d'un musulman. Si on reprend l'exemple que l'on a donné tout à l'heure, une personne qui prétend qu'un tel a 10 000 euros lui appartenant. Et effectivement, un tel a les 10 000 euros qui lui appartiennent. Celui qui l'accuse n'a aucune preuve. Il n'a ni témoin, il n'a ni trace, il n'a ni accord, il n'a ni contrat, etc., etc. Il n'a absolument rien qui prouve que l'autre personne, qui effectivement a son argent, il n'y a rien qui prouve ce don ou ce prêt. Et que celui qui est accusé dit « Je jure par Allah que je n'ai pas ces 10 000 euros et que je ne lui ai jamais pris ces 10 000 euros. » Ici, il a menti, il a juré en mentant. Et ceci fait partie des grands péchés. El-Yamin al-Ramous fait partie des grands péchés. En jurant, tout en sachant que l'on ment, en jurant dans un mensonge, est appelé en islam Al-Yamin al-Ramous. Et c'est un péché tellement grave qu'il n'y a pas d'expiation. C'est un péché tellement grave qu'il n'y a pas d'expiation, car vous savez que celui qui jure, l'expiation du serment, il y a une expiation du serment autre que Al-Yamin al-Ramous, qui est, quelle est cette expiation? 3 jours. Il faut d'abord nourrir 10 pauvres, ou bien les habiller, ou bien affranchir un esclave. Et si il n'y a pas la possibilité de faire ces 3 choses, alors de jeûner 3 jours. Et beaucoup commencent par la fin et Annie oublie le début, voire Annie le font par ignorance, qu'Allah nous en préserve. Donc celui qui ment tout en mentant dans le but de s'approprier les biens d'une personne musulmane. Ici, le professeur Hassan m'a dit « لِيَقْتَطِعَ بِهَا أَوْ يَقْتَطِعُ بِهَا مَا لَمْرِئِ الْمُسْلِمِ » Si celui qui prétend n'est pas un musulman, est-ce que celui qui jure qu'il n'a pas pris cet argent est considéré est concerné par ce hadith ou pas? Celui qui prétend, c'est la victime. Donc c'est un non-musulman qui dit « Ce musulman m'a pris 10 000 euros. » Et ce musulman, qui effectivement lui a pris, a dit « Je jure par Allah que je ne lui ai pas pris. » Le hadith du prophète sallam a dit « Pour s'approprier les biens d'un musulman. » Mais ici, c'est le bien d'un non-musulman. Est-ce qu'il rentre dans ce hadith ou pas? Non. Ce qui apparaît du hadith, effectivement. Mais, bien sûr, cela, le professeur Hassan l'a dit, car c'est ce qu'il y avait de plus courant à son époque, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Mais entre, bien sûr, dans ce hadith, tout argent qui est sacré et préservé. Tout argent et tout bien qui est préservé. Et ce bien peut, effectivement, être le bien d'un non-musulman qui est, مثلاً, mu'ahad, ou bien un zimmi, ou bien al-musta'man, celui qui est rentré en ayant la sécurité du pays qu'il accueille, ou bien celui les non-musulmans avec qui il y a un pacte de non-guerre, ou bien al-zimmi, ou bien al-zimmi. Donc, lorsque l'argent est préservé par l'islam, que le bénéficiaire de cet argent soit musulman ou qu'il soit non-musulman, celui qui se l'approprie à travers un serment mensonger, Allah, il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala en étant énervé contre lui. Qui sera énervé contre lui? Allah sera énervé contre cette personne. Et là, dans ce hadith, la preuve que chacun rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup de versets dans le Coran vont dans son sens. Et également, dans ce hadith, il y a l'attestation qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'énerve. Le courroux fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, de même que la satisfaction fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci, bien sûr, dans les règles des noms et attributs d'Allah azzawajal, à savoir qu'Allah azzawajal s'énerve d'une façon qui lui est propre, et l'énervement et les courroux d'Allah azzawajal ne ressemblent en rien à l'énervement et au courroux de ses serviteurs. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir. Et le second hadith, le hadith de Abu Umam al-Harithi, qui a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: un homme qui s'approprie les biens d'une personne musulmane à travers un serment, Allah subhanahu wa ta'ala lui interdira l'entrée au paradis et le fera entrer en enfer. Et un homme a dit: ô envoyé d'Allah, même si c'est quelque chose de simple, même si c'est quelque chose de petit, même si c'est quelque chose qui a une moindre valeur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: même si c'est un siwak de harak, même si c'est un siwak de harak. Donc ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre un deuxième châtiment et une deuxième menace à celui qui s'approprie le bien d'un musulman en général, mais qui s'approprie un bien protégé, un bien sacré. Allah Azzawajal lui interdira l'entrée au paradis et l'obligera à entrer en enfer, et ceci même si ce qu'il s'est approprié est quelque chose qui a une moindre valeur. Car un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: même si c'est quelque chose qui a une moindre valeur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: même si c'est un siwak de harak. Et l'harak, c'est l'art dans lequel les morceaux de siwak sont extraits. Et c'est un arbre qui a beaucoup de feuillage. C'est un arbre qui a quasiment pas de tronc. Et quand on regarde cet arbre, on a l'impression qu'il pousse de la terre. Il n'a pas de tronc. Et le siwak, ce morceau de bois qui a été recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs hadiths, c'est en réalité les racines de cet arbre. Donc ceux qui extraient, il y a les hommes qui extraient les morceaux de harak, en fait ce sont les racines de cet arbre, al-harak. Et ces racines sont extraites de la terre, et c'est pour cela qu'il y a différentes sortes de siwak, différentes formes, différents diamètres, etc., etc. Et c'est pour cela aussi que il y a des morceaux de siwak qui sont frais, d'autres qui sont secs. Les frais sont ceux qui viennent d'être extraits de la terre, donc qui restent humides, et leur humidité est préservée par la terre. Car beaucoup pensent que c'est des branches et années qui sont coupées. Non, ce sont des racines. ثم قال المؤلف طرق إثبات الدعاوى طرق إثبات الدعاوى les moyens de vérifier ce que les gens prétendent وطرق إثبات الدعاوى أو طرق إثبات الدعوى هي الإقرار والشهادة واليمين. Il y a donc trois façons en islam de vérifier et de certifier ce que les gens prétendent. La première de ces façons est al-iqrar. C'est le fait d'avouer. C'est le fait d'avouer son tort. Celui qui est accusé, le juge lui demande d'abord d'avouer. Est-ce que ce que un tel t'accuse est vrai ou pas? Est-ce que tu avoues ou tu n'avoues pas? Soit il dit oui, soit il dit non. S'il dit non, alors il doit faire suivre sa négation par un serment. Wa shahada, le témoignage, aussi est un moyen qui est pris en compte en islam. Et le témoignage, c'est le chapitre qui vient par la suite. Le témoignage dépend des situations. Il y a des situations où seuls des hommes sont acceptés comme témoins. Il y a des situations où deux témoins suffisent, d'autres où il faut au minimum quatre témoins, etc., etc., selon les différents cas qui ont été rapportés dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le troisième moyen, c'est bien sûr le serment, le fait de jurer. ثم قال المؤلف الإقرار الإقرار هو الاعتراف بالحق والحكم به واجب إذا كان المقر مكلفا مختارا وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغادمية والغامدية والجهينية بإقرارهم وقال صلى الله عليه وسلم واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها حديث صحيح وقد ذكر في كتاب الحدود. الإقرار qui est le fait d'avouer. Le fait d'avouer, comme le dit l'auteur, c'est le fait d'avouer la vérité. والحكم به واجب. Et le juge doit prendre en compte lorsqu'une personne avoue son tort à partir du moment ou celui qui avoue est mukallaf, c'est-à-dire qu'il a toute sa raison et qu'il a atteint l'âge de la puberté et qu'il n'est pas contraint, c'est-à-dire qu'il n'avoue pas par contrainte, qu'il n'avoue pas sous pression. Il faut qu'il le fasse de son propre chef. Le deuxième moyen qui est ash-shahada, le témoignage. قال المؤلف تحمل الشهادة في حقوق الآدميين تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا وأداؤها فرض عين لقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة وَمَنْ يَكْتُمَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَيَجِبُ عَلَى الشَّاهِدِ قَوْلَ الْحَقِّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. عليكم السلام. Donc d'avoir recours au témoignage dans ce qui concerne les droits des êtres humains est une obligation qui incombe à une partie des musulmans. Et la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal, وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا, et que les témoins ne se refusent pas quand ils sont appelés. Quelle est la preuve dans ce verset que le fait d'utiliser le témoignage et d'avoir recours à ce témoignage est une preuve pour une partie de la communauté? Qui peut répondre? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez compris la question ou pas? C'est un problème déjà. Si vous n'avez pas compris la question, vous ne risquez pas de trouver la réponse. La question est d'avoir recours au témoignage est quelque chose qui est obligatoire pour une partie des musulmans. C'est-à-dire qu'il est obligatoire pour une partie des musulmans d'avoir recours au témoignage. Non. Non. Qui doit avoir recours au témoignage? Ceux qui font après. Lors d'un prêt, le juge. C'est le juge. C'est le juge qui a recours au témoignage. Il va dire à celui qui prétend, par exemple, as-tu une preuve? Il va dire, oui, il y a des témoins. Là, le juge, as-tu le droit de dire, oui, mais les témoins, moi, je n'ai pas envie de les écouter. Il a le droit de dire ça? Non, il doit prendre en compte le témoignage des gens. Quelle est la preuve dans ce hadith, dans cette verset, que le témoignage doit être utilisé? Non? Que les témoins ne refusent pas de témoigner lorsqu'ils sont appelés. Donc c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla, lorsqu'ils sont appelés par les juges. Donc il doit y avoir des gens qui doivent les appeler. Donc c'est la preuve qu'il y a une partie de la communauté musulmane qui doit utiliser le témoignage. Vous avez compris ou pas? Le fait d'avoir recours au témoignage incombe à une partie des musulmans. Et cette partie des musulmans, ce sont les juges. Et ce sont les juges qui appellent les témoins. Lorsque on leur dit, il y a un tel et tel qui sont témoins, le juge doit les appeler, les convoquer pour écouter leur témoignage. Et ceci est une obligation pour les juges. Et les juges sont une partie de la communauté, comme on l'a vu dans le cours de la semaine dernière. Car le poste de juge n'est pas une obligation qui incombe à chacun des musulmans, mais uniquement à une partie des musulmans. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans ce verset que les témoins ne refusent pas le témoignage lorsqu'ils sont appelés par les juges. Donc il y a dans cette preuve le fait qu'Allah Azza wa Jalla a dit lorsqu'ils sont appelés, ça veut dire qu'il y a des juges qui sont présents et qui prennent en compte ce témoignage. Si on les appelle, ils sont obligés de... Si on les appelle, c'est qu'il y a quelqu'un qui les a appelés. Qui les a désignés. Non, c'est qu'il y a quelqu'un qui les a convoqués. Et ces personnes, ce sont les juges. Donc cela prouve que ces personnes qui appellent doivent exister. Les témoins, ils peuvent refuser. Non. Après, ça c'est un autre cas. Il y a deux cas. Il y a le fait que les juges doivent appeler les témoins lorsqu'ils savent qu'il y a des témoins qui existent. Ça, c'est notre cas. Et il y a l'autre sujet qui est que celui qui témoigne, le témoin ne doit pas refuser un témoignage. Que celui qui est témoin d'une chose, lorsqu'on le sollicite, il ne doit pas dire non, moi je préfère ne pas témoigner. Il doit obligatoirement apporter son témoignage. Et c'est justement ce que dit l'auteur par la suite. Et le fait de témoigner est une obligation qui incombe à chacun des musulmans. C'est-à-dire à chacun des musulmans qui est effectivement un témoin. Qui est effectivement un témoin, il doit apporter son témoignage, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, « Wala taktumu shahada » et ne cachez pas le témoignage. Quiconque le cache a certes un cœur pécheur. « Fa'innahu athimun » Qalbo a un cœur qui a fait un péché, walayyadu billah. Et il est obligatoire pour le témoin de dire la vérité même contre lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ô vous les croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques comme Allah l'ordonne, même si cela est contre vous. Même contre vos pères et mères, contre vos proches parents, qu'il s'agisse d'un riche ou d'un pauvre, Allah a priorité sur eux deux, qu'il s'agisse d'un riche ou un pauvre. Qu'il s'agisse d'un riche dans lequel le témoin aura plus tendance à dire qu'il n'est pas coupable, et d'être juste envers un pauvre dans lequel le témoin aura plus tendance à dire qu'il est coupable. Car Allah Azza wa Jalla a priorité sur ce riche et sur ce pauvre, à savoir la priorité de dire la vérité et d'apporter un témoignage qui correspond à la réalité. Ne suivez donc pas les passions, comme Allah Azza wa Jalla a dit, afin de ne pas dévier de la justice. Si vous portez un faux témoignage ou si vous le refusez, sachez qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. وَإِنْ تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَيَحْرُمُ أَنْ يَشْهَدَ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Il est interdit de témoigner sans science. Il est interdit de témoigner sans science. Et la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal dans Sourate Az-Zukhruf, le verset 86, à l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause. Donc lorsque tu témoignes en pleine connaissance de cause, et ton témoignage doit se faire sur la base de la certitude, et non pas du doute, ni de la suspicion. Lorsque tu t'apprêtes à témoigner, tu dois obligatoirement témoigner de quelque chose dont tu es certain. Il ne doit pas y avoir de doute. Et le témoignage, comme disent les savants, est de trois sortes. Il y a le témoignage, celui qui témoigne de ce qui s'est réellement passé. Et il y a celui qui témoigne de ce qui ne s'est pas passé. Et il y a celui qui témoigne sans science. Le premier est le seul qui est louable. Celui qui a témoigné de la vérité. Il a témoigné de ce qui s'est réellement passé. Il y a ensuite celui qui témoigne en disant ce qui ne s'est pas produit. C'est-à-dire en mentant dans son témoignage. En disant non, c'est lui qui l'a tué alors qu'en réalité ce n'était pas lui. Et ceci fait partie des plus grands péchés, et c'est ce qui suit dans le livre. Cela fait partie du faux témoignage, qui fait partie des grands péchés en islam, voire même des plus grands péchés en islam. Et il y a le troisième cas, qui est celui qui témoigne sans science, celui qui témoigne alors qu'il ne sait pas, alors qu'il n'est pas sûr et certain, alors qu'il y a un doute qui persiste. ثم قال المؤلف وشهادة الزور من أكبر الكبائر لحديث أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت متفق عليه. Et le faux témoignage fait partie des plus grands péchés. Et la preuve est le hadith d'Abi Bakra radiallahu an, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: voulez-vous que je vous informe des plus grands des grands péchés? Voulez-vous que je vous informe des plus grands des grands péchés? Et dans une version de Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété cela trois fois: voulez-vous que je vous informe des plus grands des grands péchés? Voulez-vous que je vous informe des plus grands des grands péchés? Voulez-vous que je vous informe des plus grands des grands péchés? Ils ont dit: bien sûr, ô envoyé d'Allah. Il a répondu: d'associer quelque chose à Allah, de ne pas respecter ses parents. عقوق الوالدين والعقوق كما قال أهل العلم هو قطع برهما Yani uquq al-walidain, c'est-à-dire de ne pas respecter les parents, à savoir de s'abstenir d'être bon envers eux, d'abstenir la bonté envers eux, d'arrêter d'être bon envers ses parents. Et ici, les parents, ce sont le père, la mère, mais entre aussi dans ce, dans le walidain, le grand-père et la grand-mère, même si les droits du père et de la mère sont beaucoup plus grands que ceux du grand-père et de la grand-mère. وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ. Et le prophète sallam était accoudé, puis il s'est assis. Il était accoudé lorsqu'il a dit « Voulez-vous que je vous informe des plus grands péchés ?» Il était accoudé lorsqu'il a dit « C'est le fait d'associer à Allah, c'est le fait de, d'arrêter d'être bon envers ses parents. » Et il s'est assis. Comme s'il allait dire quelque chose qui allait être extrêmement important. Comme le prophète sallam était assis et ni muttaki'an, accoudé, Abu Bakr est rentré, Omar est rentré, et lorsque Uthman est rentré, le prophète sallam s'est assis et a caché sa cuisse. Et lorsqu'il lui a, la question lui a été posée, il a répondu ala astahi min rajulin tastahi minhu al malaika. Ne dois-je pas avoir honte d'un homme envers qui les anges ont honte? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était accoudé, il s'est assis et a dit, et le fait de dire zour et de témoigner du zour. Donc le faux témoignage, le fait de prononcer de faux témoignages et de prononcer de fausses paroles. De prononcer de fausses paroles et de prononcer des faux témoignages. Et le rapporteur du hadith, qui est Abi Bakra, a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'arrêtait pas de répéter et les paroles fausses et les faux témoignages. Et les paroles fausses et les faux témoignages, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'arrêtait pas de répéter cela, au point que les compagnons disent, et nous attendions le moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait se taire. Jusqu'au point où nous attendions le moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait s'arrêter de parler. Donc cela prouve la gravité du fait de prononcer de faux témoignages en islam. Pourquoi ? Car le faux témoignage a des conséquences graves. Le faux témoignage a des conséquences graves car il peut rendre licite, comme disent les savants, une âme. Il peut rendre licite des parties génitales et il peut rendre licite des biens. Il peut rendre licite une âme lorsque deux personnes témoignent qu'un tel a tué un autre. On avait vu dans Kitab al-Jinayat que lorsque quelqu'un accuse un autre d'avoir tué une personne, le prophète sallam, lorsque ce cas lui a été exposé, qu'est-ce qu'il a fait ? Alakum shahidan. Avez-vous deux témoins ? Donc deux témoins suffisent pour accuser quelqu'un d'un meurtre. Si un homme accuse un autre d'avoir tué, et ceci à tort, et qu'un autre vient lui aussi apporter son faux témoignage, est-ce que le juge peut potentiellement appliquer la sentence et le réduit à lion? Oui. Et quelle en aura été la cause? Le faux témoignage. Pareil, un homme qui prétend qu'un tel est sa femme. Et il apporte deux témoins qui témoignent qu'un tel s'est marié avec un tel. J'étais présent, comme on dit aujourd'hui, j'étais présent au halal, c'était chez un tel, on était là, je suis témoin, il y avait le wali, il y avait etc. Tout en mentant. Le juge peut ordonner à la femme d'aller rejoindre celui qu'il pense être son mari. Et de là, rendre licite les parties génitales. Wal'iyadhu billah. Donc les conséquences du faux témoignage sont multiples. On n'a peut-être pas conscience de cela dans un pays non musulman, mais dans un pays musulman dans lequel les lois d'Allah sont appliquées, les conséquences peuvent être très graves. Pour cela que c'est un immense péché que le faux témoignage. Non. Azzo, c'est les paroles qui dévient de la vérité. C'est les paroles qui dévient de la vérité. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك la semaine prochaine inchallah il y aura exceptionnellement pas court donc le cours suivant c'est-à-dire dans deux semaines bismillah ce sera le dernier cours de l'Ouajiz car on terminera le livre de Al-Qadha et inchallah comme je vous l'avais informé on va commencer un autre livre toujours dans le fiqh, qui est l'explication de Umdatul Ahkam, l'explication de Cheikh Al-Bassam, qui est intitulé Taysir Al-Allam, Taysir Al-Allam, Bisharhi Umdatul Ahkam, qui comporte un peu plus de 400 hadiths en rapport avec les jugements, et c'est un livre que les savants recommandent fortement pour celui qui veut étudier la science du fiqh. Car c'est un livre qui est simple et qui explique les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une façon méthodique et commence tout d'abord par donner un résumé du hadith, puis par expliquer les mots qui sont difficiles ou qui ne sont pas ou qui demandent des explications, puis il cite ce que l'on retient du hadith et également il cite l'avis des savants et notamment l'avis des quatre imams, l'imam Malik, l'imam Ahmed, Abu Hanifa et Al-Shafi'i, et le plus souvent donne l'avis le plus probable et celui qui est le plus proche de la vérité. Donc c'est un livre par la volonté d'Allah qui est très bénéfique. Ceux qui n'ont pas la possibilité de se l'approprier, ou si vous voulez qu'on essaye d'acheter les livres en gros pour avoir des prix préférentiels, je propose à un frère de mettre à disposition une feuille et chacun écrit son nom, ceux qui désirent avoir le livre, sachant que c'est un livre, tout dépend des éditions. Il y a des éditions en 3 volumes, d'autres en 2 volumes, d'autres en un seul et même volume qui est un livre assez gros, qui a la taille à peu près du tafsir de Saadi, rahimahullah. À peu près la taille du tafsir de Saadi, mais le mieux que je préfère, c'est de prendre une tab'a qui comporte au moins 2 volumes. Ce sera plus facile à transporter et également cela permettra au livre de s'user moins vite. Car le fait de transporter souvent un livre assez gros en volume, cela facilite son usure. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.